Bonjour à toutes et tous et bienvenue à vous qui nous écoutez sur Radioactive et particulièrement dans ce rendez-vous mensuel « Je peux pas, j'ai patrimoine ». Et dans cette émission, eh bien, on a pris le temps. Et oui, on a tellement pris le temps que l'émission avec Anna Brisson, guide conférencière au Pays Loire-Touraine, a été un petit peu plus longue que prévu. Du coup, on a choisi de la scinder en deux parties. Dans cette première partie qu'on va écouter tout de suite, on va se concentrer sur l'art roman, une conférence à venir le jeudi 29 janvier à Saint-Martin-le-Beau. On va donc parler de ses grandes caractéristiques, de ce qu'il raconte de son époque et puis aussi de ce qu'on pourra découvrir lors de cette conférence. Et ben, je vous propose qu'on écoute tout de suite Anna Brisson. Bonjour Anna. Bonjour Marlène, bonjour à toutes et tous. Et meilleurs vœux à toi. Oui, meilleurs vœux à Radioactive et à tous les auditeurs. On se souhaite de superbes chroniques tout au long de l'année avec tes acolytes du Pays Loire-Touraine. On pense à Camille, on pense à Lauriane, on pense à Arnaud, oui. Évidemment. Avec et puis on va souhaiter aux auditeurs peut-être de belles découvertes patrimoniales. Bah, en tout cas, il y a de quoi faire. On essaie. Il y a largement de quoi faire. Plein de découvertes possibles. Et parmi les belles découvertes qui nous attendent, il y a deux conférences dont tu vas nous parler aujourd'hui dans le cadre de cette émission qui vont traiter de deux sujets qui sont l'art roman et l'art gothique et néo-gothique. Donc, deux rendez-vous que tu nous proposes sur le mois de janvier et de février. Oui, le 29 janvier, on se donne rendez-vous à Saint-Martin-le-Beau pour une conférence sur l'art roman. Ce sera le jeudi 29 janvier à 18h. Nos conférences, hein, c'est toujours un petit rendez-vous le jeudi. Et puis au mois de février, le jeudi 26 février, une autre conférence concernant cette fois-ci les architectures et les arts gothiques et néo-gothiques. Et là, ce sera à Vouvray. Voilà. Donc ce sont les deux conférences à venir avant d'atteindre le mois d'avril et les deux derniers sujets. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc, dont on reparlera bien évidemment sur cette antenne. Alors pour commencer sur ces deux arts, est-ce que tu peux nous dire s'ils ont un lien chronologiquement, comment ça se passe, ça se situe comment, on a besoin de savoir. Oui, alors tout à fait. Si nous avons décidé avec l'équipe de proposer ces deux conférences l'une à la suite de l'autre, c'est qu'il y a un lien et les choses sont bien faites. On vous les propose dans l'ordre chronologique de ce qu'il s'est réellement passé. Souvent on a des souvenirs, alors pour moi ça remonte à la classe de 5e hein, par exemple au collège, je ne sais pas comment ça se passe précisément aujourd'hui ou pour les personnes un petit peu plus âgées, à quel moment elles en ont parlé, mais à l'école, on entend souvent parler de l'art roman et de l'art gothique. Eh bien, c'est dans cet ordre-là. On est déjà au Moyen-Âge, on va situer un petit peu le cadre historique et on est sur la deuxième moitié du Moyen-Âge. On est sur la deuxième moitié du Moyen-Âge avec ces deux arts, ces deux architectures qui vont se succéder. Donc dans l'ordre, on commence autour de l'an 1000 par l'art roman et puis on sera dans la deuxième moitié du XIIe siècle avec l'art gothique jusqu'à la toute fin du Moyen-Âge, hein, jusqu'à la fin du XVe siècle. Et puis bah Marlène, si tu en es d'accord, je te propose qu'on suive cet ordre chronologique et qu'on commence par évoquer un petit peu plus précisément l'art roman. Mais oui. On t'écoute, Anna. Alors, l'art roman, ben déjà peut-être, on va essayer de le cadrer, parce que le Moyen-Âge, c'est une période qui est assez longue, qui dure environ 1000 ans, de la fin du 5e siècle à la fin du 15e siècle. Il faut imaginer tout de même qu'après après l'Antiquité, on entre dans cette période du Moyen-Âge, et pendant presque quasiment 500 ans, la majeure partie des constructions vont être réalisées en bois. Donc, on a une période chrétienne, les premiers chrétiens, avec de premiers sanctuaires, de premiers lieux de culte qui vont être construits la plupart du temps en bois. On va aussi connaître les premières constructions castrales, les premiers châteaux forts qui vont être bâtis en bois également. Les maisons, bien sûr, sont en bois et on arrive à la fois une date clé, mais vous allez voir, c'est un petit peu plus subtil que ça, on arrive à l'an 1000. Et du coup, on est en plein milieu du Moyen-Âge. Entre 500 et 1500, c'est l'an 1000. Alors l'an 1000, c'est une année. Un 1 et 3 zéros derrière, mais pas que. En histoire et en histoire de l'art, on va avoir une période qu'on appelle l'an 1000 et qu'on orthographie de cette manière-là, l'an L'AN, très simplement. Et derrière 1000, un M majuscule et IL. Pas MI2LE comme le nombre 1000. On va voir orthographié comme ça, exactement. Et bien là, en fait, on parle de toute une période qui couvre couvre quasiment l'intégralité du XIe siècle, de l'an 1000 à l'an 1099, 1100, voilà. Et c'est une période très intéressante parce qu'on va avoir tout plein de changements qui vont se mettre en place. On est tout d'abord, à ce moment-là, au tournant de l'an 1000, dans une période relativement stable. Alors je dis relativement hein, parce qu'on a tout de même des conflits. En Touraine, ça se voit très bien entre, par exemple, les comtes de Blois, les comtes d'Anjou. Mais sur le royaume de France, c'est une période un petit peu plus stable que ce qu'on a connu auparavant. On est aussi dans une période de croissance démographique. Ça, c'est intéressant. On va avoir... À ce moment-là, vraiment une multiplication des échanges. Et les connaissances, les savoir-faire vont eh bien, voyager à travers le royaume de France. Du coup, on fait circuler les idées, on fait circuler les savoir-faire. Et puis, exactement au même moment, on a une église, donc l'église chrétienne, qui va affirmer son autorité. Et on va connaître au même moment un fort élan de spiritualité qui touche l'ensemble de la société. Du coup, multiplication des églises, des sanctuaires, voilà. Tout ça vraiment forme un tout. Et puis, à la même époque, toujours en parlant de religion, de spiritualité, on va vouer un culte très important aux reliques des saints. Et puis les pèlerinages vont être très importants. Donc on a une vraie émulation autour de la religion, de la spiritualité. On va avoir des idées, des savoir-faire qui se transmettent, qui circulent. On est dans une période un petit peu plus calme, un peu plus tranquille, avec une population qui augmente. Et du coup, eh bien, on va connaître un élan de construction qui va différer de ce qu'on a connu pendant 5 siècles avec les constructions en bois. On va se mettre à construire en pierre. Alors c'est plus cher. Bien sûr. Tellement plus durable. Mais nettement plus durable. Mmh. Alors attention, on relativise. Oui, les édifices, on va dire, assez prestigieux, tels les églises, les châteaux forts, vont être construits en pierre. La maison traditionnelle du milieu du Moyen-Âge va toujours être construite en bois. On connaîtra un petit peu plus tard... Là, on est autour de l'an 1000, au XIe siècle. On n'en a pas vraiment, mais un petit peu plus tard dans le Moyen-Âge, on aura des constructions, des édifices civils dans les petits bourgs, dans les petites villes qui sont construits en pierre. Mais ce n'est pas encore le cas, là, autour de l'an 1000. La maison reste traditionnellement plutôt en pan de bois et les églises, les châteaux forts vont être construits en pierre. Donc ça, c'est vraiment une grande révolution. Et puis cette révolution, elle passe par l'aspect technique, parce que c'est bien joli de se dire on va vers un bâtiment peut-être plus prestigieux et plus durable en pierre, encore faut-il savoir l'ériger, le construire ce bâtiment. Tiens donc. Et oui, parce que quand on a construit pendant 500 ans des châteaux forts ou des sanctuaires, des églises en bois, c'est pas la même technique pour construire en pierre. Ouais, puis on imagine les portes arrondies, là je repense typiquement aux maquettes que vous apportez sur les animations, où voilà, il y a la clé. Il y a le claveau, les claveaux, je retiens des choses. Oh, Marlène Non, mais évidemment, ça ne s'improvise pas. Ça ne s'improvise pas. Et du coup, comme ça ne s'improvise pas, on va se référer à ce qui a été fait par le passé. On va aller prendre exemple, on va aller chercher l'exemple. Comme au début du Moyen-Âge, on a construit en bois, ça ne marche pas. Il faut se référer à la période précédente et du coup à l'Antiquité. On va aller voir ce qui a été fait en pierre à la fin de l'Antiquité. Et il faut se souvenir que chez nous, en Gaule, à l'époque, eh bien, on avait eu une conquête romaine. Les Romains étaient venus et nous avaient donné pas mal de techniques de construction. On va penser, nous, dans notre esprit, à des exemples. Je pense qu'on a tous, le Colisée à Rome, le pont du Gard, là, dans le sud de la France, les arènes de Nîmes également. Et c'est vrai qu'on voit, comme tu le disais, Marlène, il y a quelques instants, ces arcs en demi-cercle qui vont se succéder avec cette technique de construction en pierre. Et ben voilà, on va emprunter la technique des Romains et on va même leur emprunter leur nom. L'art des Romains est copié et on va le prendre. L'art roman arrive, c'est le mot romain auquel on a enlevé le i, on a chanté la lettre i, c'est de là que vient ce nom de l'art roman. Donc tu as complètement raison, le parangon, l'image ultime de cette architecture romane, c'est l'arc en demi-cercle qu'on appelle l'arc en plein cintre, le cintre étant le nom, on va dire, du moule de bois, de la structure de bois qui est utilisée lorsque on va ériger, faire la construction, une sorte de coffrage. Ce qui est encore une fois bien représenté au niveau des animations, j'encourage vraiment tous les parents qui ont envie de donner un petit peu d'appétence pour l'histoire à leurs enfants. enfants, à les amener justement sur vos animations, parce que on comprend tout de la construction. En fait, c'est ludique, on le fait, on manipule et on comprend tout à fait comment un arc roman tient en place. Et donc, on a deux pieds droits sur les côtés, les claveaux de pierre sont installés en partant du pied droit de part et d'autre, et tout en haut, cette fameuse clé qui vient bloquer par la force, tout simplement, les autres pierres. Donc, c'est vrai que cet arc roman, c'est le signe distinctif, enfin, l'arc en plein cintre, c'est le signe distinctif de l'art roman. Et justement, à l'échelle de notre territoire, est-ce qu'il y a des édifices particuliers ? Enfin, là, notamment, la conférence dont on parle, qui aura lieu le jeudi 29 janvier, elle se déroulera à Saint-Martin-le-Beau. Est-ce que c'est un choix qui a été fait au hasard, ou est-ce que justement... Mais non, on ne laisse pas trop souvent le hasard jouer pour nous. Hein. Non, non, on a choisi Saint-Martin-le-Beau. C'est une salle, on ne sait jamais. Ah, oui, c'est vrai. Non, mais ça pourrait arriver. Mais il faut dire que le territoire étant assez vaste, 55 communes, on a plusieurs communes avec des édifices... qu'ils soient castraux ou religieux, sur lequel l'art roman va être assez prédominant. On a choisi Saint-Martin-le-Beau parce qu'elle possède un très très beau clocher roman du XIe siècle, avec la particularité d'avoir une maçonnerie, un appareillage de pierre en opus spicatum. Wow. Oui. On va parler latin maintenant. Bah, plus 10 points dans un dîner en société, si tu arrives à le placer. Non, c'est facile. L'opus spicatum, c'est quand les pierres, sur deux rangées l'une au-dessus de l'autre, sont rangées comme un épi de blé ou comme des arêtes de poisson. D'accord. Voilà. D'accord. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très caractéristique de l'art roman du XIe siècle, parce que entièrement emprunté à l'art romain de l'Antiquité. Si tu as la chance un jour de découvrir Pompéi, Herculanum, tous ces sites antiques, tu retrouveras des murs où on aura cet opus spicatum. Voilà. Et donc ça, c'est une vraie particularité et un petit trésor en Pays Loire-Touraine, le clocher roman de l'église de Saint-Martin-le-Beau, qui s'appelle l'église Saint-Martin. Donc on a choisi Saint-Martin pour cette raison. Elle a aussi un très très beau portail roman qui a été repris, retravaillé au 19e siècle, mais vraiment avec des voussures. Donc c'est comme si tu avais des arcs les uns au-dessus des autres qui forment ce grand portail totalement magnifique. Donc oui, on a choisi Saint-Martin pour cette raison, mais c'est vrai qu'en Pays Loire-Touraine, il y a plein d'autres exemples. On évoque les édifices religieux, mais je vais peut-être faire juste une petite incartade par un édifice castral, qui est le château de Château-Renaud. Et oui, tout en haut de Château-Renaud, on va avoir le château avec l'ancienne partie, l'ancien château fort. Le donjon de Château-Renaud est un magnifique donjon roman. Voilà, donc à mentionner, il s'agit d'une tour ronde. Ça, c'est une particularité. C'est vrai que les premiers édifices castro-romans en France et en Touraine vont d'abord posséder des tours, des donjons quadrangulaires, donc des carrés ou des rectangles. C'est la première technique de construction. Alors, ça a des points forts, ça a des points faibles. Point fort de la tour rectangulaire, grâce à ses fameux quatre angles, elle est très ancrée dans le sol, donc ça lui donne une solidité. Par contre, quand on a des projectiles qui sont envoyés sur les angles en dehors des fondations, c'est une partie un petit peu plus fragile. Ouais. Bon. Par contre, ces tours quadrangulaires, elles possèdent souvent sur la partie supérieure des ours, donc une sorte de galerie de bois qui permet de faire tout le tour et de contrer la problématique des angles morts. Donc voilà, il y a des points positifs, des points négatifs. Par contre, c'est vrai que le mur d'une tour quadrangulaire, c'est une surface plus solide que le mur rond d'une tour ronde. Donc les angles sont la faiblesse, mais les surfaces planes, plates, sont le point fort. Ah, mais l'ennemi doit bien savoir qu'il faut taper les angles. Oui, l'ennemi, pour le coup, Bon, du coup, on améliore un petit peu la technique et on va, avec le XIIe siècle, plutôt pencher vers les tours cylindriques. Voilà, qu'on a longtemps appelé les tours Philippe-Auguste, mais voilà, c'est plus un nom qu'une réalité historique. Et donc, à Château-Renaud, on a une tour cylindrique, un donjon cylindrique, qui est bâti aux alentours de 1160, voilà, donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle. C'est un édifice castral roman sur une motte artificielle. La hauteur conservée aujourd'hui encore, c'est 19 mètres, donc c'est vraiment un édifice intéressant. Voilà, je voulais le mentionner parce qu'on a de très beaux donjons quadrangulaires dans la Touraine. Je sors du Pays Loire-Touraine, mais tu vas à Montrichard, tu vas à Loches, qu'on adore avec Lauriane. Voilà, on a de très beaux donjons quadrangulaires, mais en Pays Loire-Touraine, il y a le donjon cylindrique de Château-Renaud. Voilà. Et puis oui, tu mentionnais des églises, bien évidemment. Alors, on ne peut pas parler d'art roman en France sans citer des petits noms que peut-être vous connaissez. On va avoir Cluis. Cluny, l'abbaye de Cluny, alors le troisième chantier, hein, parce que plusieurs chantiers se sont succédés. On va avoir Saint-Savin-sur-Gartempes, pas si loin d'ici. On va avoir l'église Saint-Cernin de Toulouse. On retourne en Bourgogne avec Paray-le-Monial, voilà. Mais en Touraine, on a aussi des exemples sympathiques. Alors, nos exemples romans en Touraine, allez, on va y aller. On va avoir... Allez, une autre église Saint-Martin. On était à Saint-Martin-le-Beau, on parle là dans l'église Saint-Martin d'Autrèche, par exemple. Elle a de très, très, très beaux contreforts hémicylindriques. Donc, le contrefort, il a une fonction très précise. Une église romane, un édifice roman, on va avoir des murs qui sont très épais. On a très peu d'ouverture parce que même si ces constructions, elles arrivent dans une période un petit peu plus calme, on se souvient qu'on a tout de même des conflits, on se protège, on n'oublie pas nos comtes d'Anjou, nos comtes de Blois sur notre territoire, on se protège malgré tout. Donc, alors ça veut dire, je te coupe Anna, mais ça veut dire que quand l'ennemi attaque, est-ce que la population qui a des maisons en bois va se réfugier dans l'église ? Oui, s'il n'y a pas de château fort, l'église c'est le lieu de refuge numéro un dans un bourg, dans un village. Donc c'est pour ça que parfois certaines églises romanes peuvent avoir presque l'aspect d'une petite partie de château fort. Parce qu'il faut y mettre du monde. Il faut pouvoir y accueillir... Donc des murs épais, peu d'ouvertures également. Des ouvertures, des baies qui sont assez étroites, qui sont placées sur les parties supérieures des murs, jamais trop basses, parce que si on a des ouvertures en bas, l'ennemi a une entrée facilitée. Voilà. Et puis ces murs très épais, ils ont besoin d'un contrebutement. C'est-à-dire qu'ils sont tellement... épais qu'ils deviennent massifs, lourds, leur masse est importante et ils auraient tendance à s'écarter vers l'extérieur. Donc, on vient placer des contreforts à l'extérieur des murs, c'est le contrebutement, pour éviter qu'on ait un écartement sur l'extérieur. Et les contreforts sont très caractéristiques de l'architecture romane également. On en rencontrera beaucoup moins avec l'architecture gothique un petit peu plus tard. Et ceux de l'église d'Autrèche sont particulièrement remarquables de par leur forme hémicylindrique. Voilà. Je ne la visualise pas du tout, dis donc. Eh bien, il va falloir aller la voir. On y passe peu à Autrèche quand on n'a pas quelque chose à c'est y faire. Ben, c'est vague. En fait, Autrèche, c'est souvent le village qu'on traverse pour aller prendre l'autoroute à 10. Mais on ne rentre pas dans le village. Ben, il faut y aller. Ben, voilà, ben, il faut y aller. Ben, de temps en temps, nous, on propose des actions à Autrèche. Il faut suivre le programme avec attention. Je te parlais d'un aspect un peu château fort. Là, tout de suite, je pense bien sûr à l'église de Courset. Donc là, on est tout à fait au sud du territoire. Dans la vallée de l'Indre, et à Courset, il y a un clocher splendide qui vraiment date du XIe siècle et reprend toutes les caractéristiques d'un donjon du XIe siècle. Donc, il est quadrangulaire, il a très très très peu d'ouverture, il a une petite fente de jour minuscule. Après, quand on arrive tout en haut du clocher, oui, il y a des ouvertures avec des arcs en plein cintre, des arcs en demi-cercle avec des abat-sons, puisque le clocher tout de même va renfermer la cloche, et il faut que le son de la cloche qui teinte soit envoyé vers le bas du village, que les habitants puissent l'entendre. Et tout en haut, sur sa partie supérieure, il est très chouette ce clocher de Courset. Il est couvert d'un clocher non pas charpenté, donc un clocher, tu sais, qui serait en bois de charpente recouvert d'ardoise. Non, c'est un clocher maçonné en pierre. La flèche, la partie supérieure, pointue, est maçonnée en pierre et elle a une forme fantastique. Cette flèche maçonnée du clocher de Courset du XIe siècle a la forme d'une mitre d'évêque. D'une ? La mitre. Ah, alors la mitre, tu sais, si tu as une représentation visuelle d'un évêque, par exemple, sur une peinture ou sur un vitrail, il est coiffé d'un chapeau un petit peu particulier, légèrement pointu, mais légèrement aussi galbé sur les côtés avant d'arriver à la pointe. Eh bien, ça, c'est la mitre de l'évêque et c'est la forme du clocher de Courset. Et voilà. On la mettra en podcast, l'image de cette, de ce clocher, parce que là, tu nous donnes très envie de visualiser. On a envie de taper sur Google ou un autre moteur de recherche, mais on a envie de la visualiser. Oui, oh ben je peux même inviter, pourquoi pas, nos auditeurs, les auditeurs, Marlène, à aller voir sur Perceval, qui est la base de données de toutes les recherches de l'inventaire. Et la commune de Courset a été inventoriée. Il y a une petite fiche sur l'église. Donc, pour ceux qui n'auraient pas envie de taper directement « église de Courset », allez voir Perceval, allez vous promener sur ce site. C'est hyper chouette. Et il y a de très belles photos réalisées par le service inventaire, en plus des notices des chercheurs. Voilà. Dévoué Perceval qui saura tout vous montrer. Oui, il est fort, Perceval. On pourrait parler aussi... Ah oui, Saint-Martin de Cangé. Ah ben, dites donc, j'aime beaucoup les églises Saint-Martin. Enfin, il faut dire qu'elles sont nombreuses placées sous ce vocable. Donc, Cangé, on est dans le Val d'Amboise. Donc là, on parle bien du Cangé EY. Oui, la commune de Cangers, située juste après Limeray. Absolument. Voilà. Dont vous admirez tellement l'église et ses vitraux. Bah, les vitraux sont fantastiques, mais les vitraux sont du XVIe. Là, je vais m'intéresser à la période romane de l'église. Et ce qui est intéressant, ce sont ses ouvertures sur son mur nord. Le mur nord de la nef a été conservé tel qu'il a été bâti au XIe siècle. Et il conserve trois petites baies romanes, encore une fois, uniquement sur la partie supérieure du mur, pas sur la partie basse, avec ses tout petits arcs en plein cintre vraiment, vraiment splendides. Et puis, de la même période, parce que l'art roman, oui, c'est l'art de l'architecture, mais pas que. C'est l'art du décor et aussi de la sculpture. Et là, en termes de décor, à Cangers, on est particulièrement gâtés parce qu'ont été repérées et conservées des peintures murales du XIe siècle qui se retrouvent justement dans l'ébrasement intérieur de ces petites baies. Alors, l'ébrasement, peut-être qu'on peut tenter de l'expliquer. On veut bien. Ah. On veut bien. Alors, on essaie. Une baie, c'est l'ouverture qui donne sur l'extérieur avec sa forme. Là, on a une baie romane avec un petit arc en demi-cercle sur la partie supérieure. Mais les murs sont très épais. Si le mur était ouvert de manière droite et perpendiculaire, la lumière qui rentrerait serait assez faible avec l'épaisseur du mur. Donc quand on ébrase, c'est qu'on va tailler la pierre en biais et l'ouverture à l'intérieur de l'église est plus large qu'elle ne l'est sur le mur extérieur. Donc à l'extérieur, c'est une toute petite baie, je dis une bêtise, peut-être qu'elle fait 40 ou 50 cm de large, mais avec l'ébrasement, cette même baie à l'intérieur est un petit peu plus large, elle fait 60 ou 80 cm, ça laisse entrer plus de lumière. Et comme le mur est épais, cette surface ébrasée, elle est large, il y a de la place, et là, des peintures romanes ont été réalisées dans l'église de Cangers. On voit des animaux en train de jouer des instruments de musique. Alors, il y a un petit bouquetin, il y a de la flûte, il y a du tambour, voilà, qui sont joués par ces animaux. Fantastique peinture réalisée avec, bien sûr, les pigments qu'on employait traditionnellement à l'époque romane, des ocres, ocre jaune, ocre rouge, du noir de charbon également. Et voilà, tout ça est là présent, pas très loin de nous, à Cangers. Autre chose peut-être que j'aimerais mentionner concernant l'art roman, en revenant sur l'architecture, c'est la forme du chevet. Ah, alors, là, on a besoin encore d'un petit point. Lexique. Ben, oui. Ah ben, l'architecture, c'est un petit peu ça, c'est tout plein de lexique. Mais par contre, une fois qu'on a vraiment tout ce vocabulaire, bon, c'est facile de se repérer. Le chevet d'une église, c'est la partie qui, traditionnellement, est orientée, donc orientée vers l'est, vers l'orient. Parce que c'est vrai qu'avec ce XIe siècle, on va avoir une tendance systématique à construire les églises orientées. La partie consacrée de l'église, le chœur, va être orientée vers l'est, vers le tombeau du Christ à Jérusalem. C'est le cas, allez, on va dire 99 fois sur 100. Ah ouais? Oui, les églises sont orientées. Le chevet, c'est la partie qu'on trouve tout au fond de l'église. Nous, quand on rentre traditionnellement à l'ouest. Devant nous, la nef, qui est l'espace réservé aux fidèles, avec les bancs, les chaises. Un petit peu plus loin, le chœur, la partie consacrée, où le prêtre va pouvoir s'installer au niveau de l'autel pour les offices, les célébrations. Et puis, tout au fond de l'église, cette partie s'appelle l'abside. Alors, l'abside, elle peut être parfois complètement plate ou parfois en demi-cercle. L'abside, c'est le nom qu'on donne à cette partie de l'église à l'intérieur. Mais quand on est à l'extérieur de l'église, ça s'appelle le chevet. Ok. Donc c'est la même partie quasiment, abside à l'intérieur, chevet à l'extérieur. D'accord. Et le chevet, lorsqu'il est hémicylindrique, donc en forme de demi-cercle, eh bien la plupart du temps, en l'observant juste sous sa ligne de toiture, on va avoir la chance, si c'est un chevet roman de la fin du XIe ou du début du XIIe siècle, d'observer de magnifiques pierres sculptées. Alors ces pierres, elles sont saillantes et elles portent les chevrons de la toiture. Elles s'appellent des corbeaux. Une pierre qui dépasse et qui porte une structure au-dessus s'appelle un corbeau. Mais attention, ces corbeaux, ils sont spéciaux là tout en haut de nos chevets hémicylindriques parce qu'ils sont sculptés. Ils gargouillent. Alors, ça ressemble, mais ce n'est pas le cas. La gargouille, c'est spécifiquement une sculpture qui est créée avec un fort déport depuis le mur et qui va permettre à l'eau de pluie d'être évacuée. Et donc, c'est peut-être pas à l'époque gothique, ça, si ? Alors, la gargouille, c'est gothique, mais nous, on est à l'époque romane. Oui, on est à l'époque romane, pardon. Et oui, non, j'ai brûlé les étapes. Oui, oui. Ah, à l'époque romane, on a On a très peu de gargouilles, en tout cas pas sur nos édifices en Touraine. Et donc, on se souvient que la gargouille ne peut s'appeler gargouille que si elle a une fonction d'évacuation de l'eau. Okay. Mais il y a tout plein d'autres pierres qui sont sculptées en extérieur des églises qui ne sont pas des gargouilles. Et sur le chevet, très spécifiquement, ces petits corbeaux qui soutiennent une partie de la toiture s'appellent des modillons sculptés. Et alors là, ils sont souvent amusants. On va avoir des têtes de personnes, de personnages humains, on va avoir des têtes d'animaux, on va parfois avoir des têtes de créatures fantastiques, on va avoir parfois des éléments végétaux. Et puis parfois on va avoir des scènes un petit peu plus rigolotes ou avec notre culture locale. Je pense à une main qui tient un tonneau. Bah oui, en Touraine, tout de même, le vin est très important. Parfois, des scènes un petit peu plus rigolotes, ça arrive. Un personnage qui va montrer ses fesses, par exemple, ça peut arriver. Il y avait de l'humour, déjà, oui. L'art roman. Hein. Oui, oui, il y avait complètement de l'humour. Il y avait aussi parfois des scènes érotiques. Il y avait parfois des scènes représentées avec la nudité. Mais la nudité n'est pas forcément le synonyme de l'érotisme. Voilà, ce sont deux choses distinctes. Oui, il faut aussi jouer dans l'époque aussi. Voilà. Bon, alors, elles sont rares, hein. Tout de même. On a plus souvent des créatures un peu fantastique, des visages humains et des éléments végétaux, majoritairement. Ce qui est intéressant avec les visages humains ou les créatures fantastiques, c'est que souvent, elles vont plutôt faire peur. Les humains vont avoir des visages plutôt grimaçants et pas une grimace de joie, un grand sourire, non, plutôt un visage un peu terrifié. Et puis les créatures monstrueuses, elles vont ouvrir grand la bouche, grand la gueule et nous montrer leurs dents. Ah oui, mais c'est normal, ces figures, elles sont là aussi pour rappeler aux fidèles d'avoir un bon comportement ici-bas. Sur sur l'aspect terrestre, si elle veut être accueillie dans les cieux. Donc il y a vraiment toute une symbolique dans cette sculpture au niveau des chevets, et on voit de très très beaux chevets sculptés à Sublaine par exemple, à Mont-Louis-sur-Loire sur l'église Saint-Laurent, à Bléré sur l'église Saint-Christophe. Donc on a de nombreux exemples de ces chevets avec les modillons sculptés, super chouettes à observer. Alors effectivement, on parle beaucoup de l'architecture extérieure, mais comme tu l'as dit tout à l'heure, l'art roman, c'est aussi des sculptures, des peintures, voilà. Donc il y a beaucoup de choses à voir aussi à l'intérieur des édifices. Oui, tout à fait. Et puis chez nous, en Pays Loire-Touraine, plus particulièrement au niveau des chapiteaux. Alors il faut imaginer que la sculpture à l'époque romane, elle va avoir des espaces vraiment très définis. Les modillons sculptés du chevet, déjà évoqués, les tympans au niveau du portail. Alors, chez nous, en Pays Loire-Touraine, avec nos églises, on a vraiment pas d'exemple. Mais si vous pensez aux églises de Poitiers, par exemple, au niveau de la porte, vous levez la tête au-dessus de la porte. Le tympan, c'est cet espace au-dessus de la porte qui va être sculpté. C'est un espace réservé à la sculpture romane. Et puis, à l'intérieur des églises, on a de nombreuses colonnes, de nombreux piliers avec des chapiteaux. Comme durant l'Antiquité, hein, la colonne, elle a son chapiteau avec un petit décor, souvent avec des formes de rouleaux ou de feuillages. Eh bien, ces chapiteaux sont sculptés à l'époque romane. Donc, le tympan des portails, les modillons du chevet et les chapiteaux des colonnes sont les trois grandes zones où on va retrouver beaucoup de sculptures romanes. Le sculpteur, à l'époque, eh bien, il est obligé de faire avec l'espace qui lui est réservé. Il ne peut pas dépasser ce cadre. Et oui, le portail, on ne va pas au-delà du tympan, on laisse ensuite la surface murale libre. Le chapiteau de la colonne, on descend très peu sur la colonne et on ne monte pas au-dessus. Donc on a un espace très dédié et de par les formes et les représentations, on peut se dire que ça peut être parfois légèrement déformé. Bah, c'est une réalité parce qu'il fait rentrer dans un espace qui a une forme un peu particulière des objets, des figures, des visages, des animaux qui ne seraient pas forcément faits pour rentrer sur cette forme-là. Donc ça peut paraître parfois un peu déformé. On va avoir tendance à l'époque romane à faire figurer au centre de l'œuvre sculptée le personnage principal et il est représenté souvent assez grand. Les personnages secondaires vont être derrière et un petit peu plus petits. Par contre, il n'y a pas de réalisme dans les proportions. Et puis du coup, il n'y a pas non plus de perspective. Quand on va représenter des éléments feuillagés, végétaux, c'est souvent très très symétrique. Quand on va représenter des personnages, alors là, on va pouvoir vraiment représenter les saints, bien sûr le Christ et le tétramorphe. C'est une représentation très très courante. Alors le Christ, il est représenté souvent dans une mandorle. Mandorle, c'est le joli mot pour parler de la forme d'une amande. Mmh. Et autour de lui, les quatre évangiles, Saint Marc, Saint Jean, etc. Ça, c'est une représentation très, très classique. Et puis, après, on peut avoir des scènes plus imaginaires ou des scènes issues parfois de la littérature. Également, je pense à l'église Saint-Denis d'Amboise qui conserve d'intéressants chapiteaux romans sculptés. Et là, en tête, tout de suite, arrive pour moi Goupil, Isengrin, puisqu'on a une petite scène avec une partie du roman de Renard qui est illustré. Donc voilà, hein, oui. on sort parfois du cadre de la vie des saints et de la spiritualité pour parler littérature sur ces chapiteaux sculptés, pour parler travaux de la vie quotidienne également. Des travaux des champs, des travaux des vignes peuvent être représentés sur ces chapiteaux sculptés. Donc voilà, on a de beaux exemples à Saint-Denis d'Amboise, on a de beaux exemples à Vernoux-sur-Brenne également de chapiteaux sculptés. Donc nos églises, elles sont très très très riches. Et puis peut-être un dernier exemple, une petite curiosité. On a la lisibilité est quasiment impossible aujourd'hui, mais au niveau du portail roman de l'église Saint-Saturnin de Souvigny, donc Souvigny, juste à côté d'Amboise, hein, il y avait un zodiaque qui était représenté sur l'arc en plein cintre au-dessus du portail. Qu'on voit plus du tout. Alors qu'on ne voit quasiment plus, en fait, il y a un petit peu de relief qui est conservé, mais la lecture en est aujourd'hui très difficile. Ouais. Si on ne le sait pas, c'est quasiment impossible. Par contre, si on est accompagné, qu'on a quelqu'un qui nous montre d'autres Anna, exemples... Évidemment, dans son baluchon, on se promène avec Anna. Pas de problème, vous saurez tout sur tout. donc voilà, on avait un zodiaque sur le portail de Saint-Saturnin à Souvigny, et il y en avait également un sur un portail qui est aujourd'hui complètement caché des visiteurs dans l'église Saint-Pierre de Nazelles. Oui, c'est une partie de l'église qui aujourd'hui n'est plus accessible au public. C'était l'ancien portail, mais qui a été caché par une nouvelle construction. Ah. Et lui aussi comportait zodiaque. Alors, bah oui, c'est dommage, mais par contre, on sait qu'il est là. Voilà. Moi, je sais que quand je vais en visite à Saint-Pierre de Nazelles, je demande la clé et je peux montrer avec un petit spot cet ancien portail donc ce zodiaque. C'est vrai que celui de Nazelles est un petit peu plus lisible, un petit peu plus facile à comprendre. Donc vraiment, cet art roman, il est extrêmement riche. Architecture, décor, et puis presque toutes nos églises de Touraine ont été bâties à cette époque. Et souvent, elles vont conserver un petit élément. Parce que nos églises du 11e, du 12e, elles ont souvent évolué. Elles ont été agrandies, fin 15e, début 16e, parfois presque intégralement reconstruites. Mais souvent, elles conservent un petit élément de l'époque romane, que ce soit un appareillage, une maçonnerie, un portail, un décor sur quelques chapiteaux ou un chevet sculpté ou une peinture un petit peu cachée. On a de la chance, c'est un art vraiment fantastique que cet art roman. Et comme à chaque fois, c'est passionnant. Voyez tout ce que vous pourrez apprendre en participant à cette conférence qui aura lieu le 29 janvier à 18h sur l'art roman. Elle aura lieu à Saint-Martin-le-Beau, salle des Closiers, donc juste derrière la mairie. Oui. Ce qui est chouette, c'est aussi de mettre justement en lumière cette commune de Saint-Martin-le-Beau, et on pense à son église qui a été touchée par un incendie conséquent il y a quelques années tout maintenant. Tout à fait, avec des travaux de restauration qui ont justement vraiment pris en compte les époques de construction de l'église pour les nouvelles voûtes, puisque le collatéral nord a été très très touché, la voûte s'est effondrée, et un choix intéressant a été fait de revoûter en bois, voilà, et de revoûter avec une voûte sur la nef, avec un arc en plein cintre. Je ne l'ai pas dit, mais c'est vrai qu'on voit souvent ces églises avec les arcs en plein cintre en demi-cercle, et on détermine un peu la partie romane de cette manière-là. Mm-hmm. Mais à l'intérieur, les voûtes, ce qui correspond au plafond, hein, les voûtes sont des voûtes en berceau. Donc c'est vraiment comme un berceau d'enfant ou comme une coque de bateau retournée. C'est un demi-cercle sur toute la longueur du vaisseau de la nef. Ça aussi, c'est un élément qui permet de bien identifier la période romane. Merci beaucoup Anna pour cette première partie d'émission où nous parlions de cette première conférence. Donc je le rappelle, jeudi 29 janvier à 18h, ça sera à Saint-Martin-le-Beau, salle des Closiers, derrière la mairie. Il faut réserver. C'est mieux. C'est mieux parce qu'on a connu pour nos dernières conférences des salles combles, avec parfois l'obligation de refuser quelques personnes, ce qui nous fend le cœur. Ah oui, mais c'est tellement bien ce que vous proposez. C'est tellement qualitatif, que voulez-vous ? Vous êtes victime de votre succès. Oui, c'est ça. Du coup, c'est très facile de réserver. On va sur paysloiretouraine.fr, www.paysloiretouraine.fr. Il y a un petit onglet bleu en haut à droite, billetterie. Et on peut soit réserver et payer directement sa place en ligne, soit on peut simplement faire une pré-réservation et régler le jour J, le jour de la conférence. Eh bien, c'est parfait. T-Rex avec Mambo Sun, c'est ce qu'on va écouter maintenant, Anna. Oui, parce qu'on aime le rock anglais des années 70. Certains ont été bercés là-dessus. Il paraîtrait. La suite arrive très bientôt sur Radioactive, puisqu'une seconde partie sera donc dédiée à l'architecture gothique et néo-gothique. On changera donc d'époque et de style pour s'y intéresser. Et Anna nous parlera de cette autre conférence qu'elle proposera le 26 février à Vouvray. Rendez-vous très vite donc pour la suite de Je peux pas, j'ai patrimoine sur Radioactive. For you, ooh, for you.